que oui, effectivement, je vais vous parler du partage et puis la transmission du travail politique entre les femmes, et les hommes et les femmes, et dans un contexte un peu particulier qui est le contexte de la parité à l'heure actuelle. Parité qui était instaurée hein, depuis les années 2000, fin des années 99, 1999 hein, pour être exact, c'est le début de la parité avec une grande modification de la Constitution, et puis ensuite tout au long des années 2000, la première décennie des années 2000, application de la parité à différents niveaux, à différents échelons d'élections politiques. Enfin, alors moi je vais laisser de côté un peu cette question des élus de base en quelque sorte, je vais surtout m'intéresser en fait dans cette intervention aux élus qui exercent des responsabilités dans les exécutifs. Dans les exécutifs, alors qu'il s'agisse en fait des exécutifs des conseils municipaux, des exécutifs des conseils régionaux ou encore des conseils généraux cette fois-ci, même aussi dans mon corpus qui est un corpus d'entretien, j'ai aussi des femmes élues hein, qui sont à l'Assemblée nationale, donc j'aborderai aussi un peu la question du travail politique et de la répartition des tâches au niveau de cette Assemblée-là. Donc la question en fait qui fonde mon intervention, c'est celle de savoir d'une part comment est-ce qu'on peut expliquer la répartition, le partage du travail politique, le partage de ses responsabilités en fait entre hommes et femmes. Donc je parle par exemple des différentes délégations qui vont être attribuées aux élus. Il y a différents domaines hein, d'intervention politique, il y a des délégations aux affaires sociales, il y a des délégations aux finances, des délégations aux transports, etc. Donc l'idée, c'est un peu de voir comment ces délégations sont attribuées de manière préférentielle, en fait, selon le genre, hein, c'est-à-dire comment est-ce que concrètement, parce que ça, c'est quelque chose qui est bien identifié, il y a un partage hein, du travail entre hommes et femmes, et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on en parvient à ce partage, comment est-ce qu'on arrive à ce partage du travail politique. Alors, il y a eu quelques embryons d'explications qui ont été mises en place, notamment, je fais référence aux travaux de Catherine Achin et Ali, qui ont fait un ouvrage justement qui présentait les résultats, les effets de la parité sur le champ politique et qui ont mis en effet en avant quelques explications concernant ce partage du travail politique. Donc elles ont mentionné notamment l'effet de discrimination, une discrimination persistante qui ferait que effectivement on aurait tendance à attribuer comme ça de manière préférentielle des délégations comme les affaires sociales plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Donc il existerait effectivement une forme de discrimination qui, de leur point de vue, proviendrait en fait essentiellement hein, du côté des leaders, en quelque sorte, de ceux qui attribuent les responsabilités dans les exécutifs. Donc mon propos, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin en envisageant non pas uniquement le point de vue des leaders, mais en prenant en compte aussi le point de vue des femmes, en quelque sorte, et en cherchant à voir comment est-ce qu'elles expliquent et elle justifie le fait de se retrouver de manière préférentielle dans ces délégations féminines, entre guillemets, parce qu'elles sont majoritairement attribuées aux femmes, ou au contraire, de qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir des femmes qui vont échapper à cette répartition du travail et qui vont pouvoir s'engager cette fois-ci dans des délégations masculines, là aussi entre guillemets, c'est-à-dire des délégations qui sont le plus souvent attribuées aux hommes. Donc l'idée, c'est de voir aussi hein, qu'est-ce qu'il va y avoir, quelle est la part en fait de construction politique du genre, en quelque sorte, qu'est-ce qui contribue le plus en fait à cette répartition du travail politique. Est-ce que c'est par exemple les compétences issues de la société civile, si on peut dire hein, est-ce que c'est les compétences premières que peuvent avoir les femmes avant de s'engager en politique hein, ça, c'est un argument qui est mentionné souvent. Le fait qu'effectivement, parce qu'elles auraient par exemple des professions dans le social, eh bien, un peu mécaniquement, elles se retrouveraient en politique dans le domaine du social aussi. Alors, quelle est la part, alors c'est difficile d'identifier une part à proprement parler, mais qu'est-ce qui relève en fait de la société civile, des compétences civiles, et qu'est-ce qui relève au contraire d'une construction du genre par le champ politique qui viendrait donc aboutir à ce partage du travail entre hommes et femmes. Alors, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais faire une présentation rapide, hein. J'ai essayé de dresser une cartographie, si on peut dire, du genre dans le milieu politique et au niveau du travail politique, en essayant de voir justement d'appréhender ce partage du travail. Bon, j'ai donné déjà quelques éléments, je vais revenir dessus. Et puis surtout en essayant de voir les conséquences qu'ont pu avoir ou non hein, la parité sur ce partage du travail politique. Autrement dit, est-ce que la féminisation des assemblées élues a remis en question ou non ce partage du travail politique? Est-ce que le fait d'avoir plus de femmes dans les assemblées, ça entraîne plus de mixité, notamment dans les exécutifs? Ça sera un peu la première question de cette première partie. Et puis, dans un second temps, j'aborderai la carrière des femmes élues et en essayant de justement d'identifier cette part, ce qui peut relever hein, justement des compétences civiles dans l'attribution des responsabilités exécutives et ce qui peut relever au contraire des règles du jeu politique en quelque sorte. Alors donc du point de vue du partage du travail dans les assemblées élues, donc dans cette première partie, ce qu'on peut dire d'abord, ce qui peut être intéressant, ce qui doit être rappelé, c'est qu'effectivement, depuis 2007, il y a une obligation en fait qui est faite pour les conseils régionaux et pour les conseils municipaux de constituer des exécutifs paritaires. Hein, c'est-à-dire que les vice-présidents, les adjoints au maire doivent être à égalité dans les équipes, hein, on doit avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc de ce fait, on a en fait une bipartition en quelque sorte du champ politique, avec d'une part d'un côté des assemblées qui vont avoir des exécutifs féminisés, les conseils régionaux, les conseils municipaux, qui ont tous été renouvelés depuis 2007, et d'un autre côté des assemblées qui n'ont pas d'exécutif féminisé, où la part des femmes en tout cas hein, n'est pas obligatoirement paritaire, et où on va retrouver de ce fait moins de femmes. Donc c'est le cas par exemple de l'Assemblée nationale et des conseils généraux. Alors quelle est la répartition du travail qui intervient dans chacune de ces assemblées? Donc ce qu'on peut dire hein, là aussi du côté, d'abord en commençant par peut-être les assemblées les moins féminisées, enfin les exécutifs les moins féminisés, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale ou encore dans les conseils généraux, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a une partition du travail politique et une ségrégation aussi des hommes et des femmes dans quelques délégations, dans quelques types de responsabilités qui est assez forte. Donc c'est une division du travail qui est aussi bien verticale, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans ces assemblées ce qu'on peut qualifier du plafond de verre, avec par exemple à l'Assemblée nationale des femmes, hein, ça c'est aussi les travaux de Catherine Achain, notamment sa thèse qui ont mis en avant cette caractéristique, c'est-à-dire que depuis en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les députées, enfin une très nette majorité des députés, hein, 63% des députés, se sont concentrées dans ce qu'elle appelle hein, des fonctions de députés de second rang, c'est-à-dire sans responsabilité particulière, notamment par exemple des présidences de commission ou ce genre de choses-là. Donc plus de la moitié, hein, 63% de ces femmes se sont retrouvées à des fonctions de second rang, et donc l'élite de l'Assemblée, en quelque sorte, leur demeure fermée. Donc ça, c'est pour la logique du plafond de verre, donc cantonnement effectivement des femmes dans les responsabilités les plus basses hiérarchiquement, puis au niveau qualitatif, au niveau horizontal, persistance aussi de ce qu'on pourrait appeler, cette fois-ci je reprends l'expression de Pierre Tripier, persistance de paroi de verre, avec effectivement des commissions qui vont être attribuées très nettement aux femmes et des commissions qui seront au contraire, qui leur seront interdites et qui seront réservées exclusivement aux hommes. Notamment, ce qui est très féminisé à l'Assemblée nationale, c'est les affaires culturelles, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui regroupe là aussi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a regroupé donc 45% des députés élus. Donc cette tendance en fait à l'existence d'un plafond de verre et de paroi de verre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau des conseils généraux. Là aussi, effectivement, dans les conseils généraux, on va retrouver une moindre représentation des femmes dans les exécutifs et en plus une concentration de ces femmes dans des domaines particuliers et les grands domaines par excellence les plus féminisés. Où les femmes vont le plus souvent, c'est tout ce qui concerne là aussi les affaires sociales et les affaires culturelles. Et ça, c'est pas anodin parce que un mandat comme le mandat de conseiller général, bah, ça fait partie de ces mandats pivots en quelque sorte, ceux qui vont être indispensables en quelque sorte pour exercer une carrière politique. Ça va permettre d'entrer en contact, de consolider des relations avec un certain nombre de personnes influentes sur un territoire. Et l'ancrage aussi dans un territoire, le canton, ça peut être un point d'ancrage majeur pour accéder par la suite, par exemple, à des mandats comme la députation ou ce genre de choses. Donc comme ça, on pourrait émettre en quelque sorte l'hypothèse d'une carrière des femmes qui s'exerceraient en fait à des fonctions typiquement féminines, dans des fonctions typiquement féminines, notamment par l'obtention de postes de vice-présidente dans les assemblées élues, Assemblée nationale ou Conseil généraux, des postes de vice-présidente qui seraient essentiellement donc dans les domaines les plus féminisés, comme les affaires sociales ou encore les affaires culturelles. Donc voilà effectivement du côté des assemblées où les exécutifs ne sont pas paritaires. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant dans les autres assemblées, conseils régionaux, conseils municipaux? Est-ce que la féminisation de ces assemblées, de leurs exécutifs, remet en question ou non cette ségrégation, ce partage des tâches entre hommes et femmes? Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans les conseils municipaux comme dans les conseils régionaux, non, a priori effectivement. Il demeure, alors même si effectivement quantitativement il y a des femmes qui sont rentrées dans ces exécutifs, ça n'empêche pas encore une concentration des femmes dans quelques domaines. Effectivement, de ce point de vue, le plafond de verre, hein, c'est dissous en quelque sorte. Il n'y a plus de freins, d'obstacles à l'entrée dans les exécutifs, mais par contre, il y a toujours une ségrégation, une concentration des femmes dans quelques domaines. Dans les conseils municipaux, là aussi, on va retrouver les femmes en charge des délégations telles que les affaires sociales. C'est le cas par exemple, hein, il y a 65% des délégations aux affaires sociales qui sont détenues par des femmes. De la même manière, on va les retrouver souvent dans des domaines comme la culture, là aussi, et puis, particularité un peu municipale, on va les retrouver dans des domaines comme, dans des délégations comme l'environnement. Là où ça devient un peu plus intéressant, l'étude de cette partition du travail politique, c'est quand on aborde la question des conseils régionaux. Parce qu'effectivement, là, du côté des conseils régionaux, on va avoir une diversification on observe hein, entre 2004 et 2010, les deux derniers renouvellements, une diversification, en fait, effectivement, des compétences attribuées aux femmes, des vice-présidences attribuées aux femmes. Et entre 2004 et 2010, effectivement, il y a des vice-présidences qui étaient très exclues, très majoritairement masculines et qui se sont progressivement féminisées. Hein, par exemple, il y a des domaines comme le tourisme ou encore l'administration générale, où les femmes auparavant n'étaient pas nécessairement très nombreuses proportionnellement dans ces domaines. Et puis progressivement, effectivement, elles accèdent petit à petit à ces vice-présidences-là. Alors néanmoins, là aussi on retrouve hein, encore l'attribution prioritaire des affaires sociales et culturelles aux femmes. Et puis, petite nouveauté, c'est aussi hein, la région. Hein, la région va avoir à sa charge tout ce qui va concerner des domaines comme l'éducation, notamment la charge des lycées ou ce genre de choses. Et là, du côté des vice-présidences en charge de la scolarité, de l'enseignement supérieur, les femmes se sont particulièrement emparées hein, de ces vice-présidences. Puisqu'elles sont en fait 80% en 2010, enfin il y a 80% de ces vice-présidences qui sont détenues par des femmes, alors qu'auparavant elles représentaient à peine la moitié des vice-présidentes. Donc ce qui fait que finalement, effectivement il y a plus de femmes qui sont rentrées dans les exécutifs des conseils régionaux, mais finalement là encore la mixité n'est pas nécessairement meilleure, puisque par exemple, si en 2004, on comptait en fait en reprenant en fait une typologie des vice-présidences qui est établie par l'Observatoire de la parité. En 2004, donc, on comptait en fait sept grands types de vice-présidences qui comprenaient entre 40 et 60% d'un sexe, c'est-à-dire qui étaient relativement mixtes. Et si on compare avec 2010, eh bien en 2010, il n'y a plus que seulement quatre types de vice-présidences qui sont encore mixtes, les autres étant très majoritairement attribués soit à une femme, soit aux femmes, soit très majoritairement attribuées aux hommes. Effectivement, les femmes entrent dans les exécutifs, mais ça n'abolit pas en quelque sorte hein, cette question des parois de verre. Le plafond de verre semble avoir volé en éclats, mais les parois de verre subsistent, se maintiennent au fil des mandats et au fil des gains en matière de parité. Donc, ce qui m'amène effectivement à formuler l'hypothèse que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, celle d'une professionnalisation, alors professionnalisation c'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas d'une spécialisation des femmes élues sur un type ou plusieurs types de compétences politiques, des compétences politiques qui seraient majoritairement féminines, celles qui sont les plus souvent attribuées aux femmes. Autrement dit, l'idée, c'est qu'on aurait comme ça un rôle politique féminin, hein, qui serait concentré par exemple autour de ces délégations qui tournent finalement autour de la notion de care, hein, c'est l'idée de prendre soin, donc à travers les affaires sociales, peut-être moins autour de la culture, mais autour des affaires sociales, des affaires scolaires, bon, bah, c'est l'idée que les femmes sont là pour prendre en charge les questions qui touchent aux personnes dépendantes. Et puis d'un autre côté, on aurait des rôles plus masculins, des rôles masculins qui tourneraient autour de tout ce qui va être les activités productives, donc transport, travaux, qui mobiliserait, qui ferait référence en fait à une sorte de virilité en quelque sorte, hein, tout ce qui touche à la force physique, les délégations en charge, je pense par exemple les délégations aux délégations liées au sport, à la sécurité, hein, qui sont aussi exclusivement masculines, avec près de 80% en fait des hommes de ces délégations qui sont confiées à des hommes. Donc des activités mobilisant la force physique, la production, par exemple, donc les travaux, l'urbanisme, toutes ces questions-là, ou encore qui font appel à des formes de compétences intellectuelles comme tout ce qui va nécessiter la rationalité mathématicienne, comme les délégations en charge du budget ou encore des finances. Donc symboliquement, ça serait ça l'idée, d'une part un rôle masculin qui manifeste la virilité et d'autre part un rôle plus féminin en politique, qui symboliserait en quelque sorte le fait de prendre soin, de s'occuper des autres. Alors bon, tout ça, donc, ça nous amène à aborder justement le deuxième aspect de cette intervention. Donc les trajectoires que développe le parcours, la carrière en fait de ces femmes aux différents postes, entre les différents postes de responsabilité qui leur sont confiés. En effet, pour vérifier en fait cette hypothèse de la spécialisation des femmes sur quelques domaines de compétences, bah, ça nous amène à aborder en fait, à étudier des femmes qui ont des parcours politiques relativement longs, celles qui ont pu passer en fait de différentes responsabilités, qui ont pu aller de responsabilité en responsabilité, donc soit au sein d'une même institution politique, soit entre différentes institutions politiques. Hein. Et donc, de ce point de vue, en abordant en fait ces trajectoires des femmes, on peut identifier deux grands types de trajectoires quant au travail, au type de travail politique pris en charge. Il y a d'abord ce que je qualifie des trajectoires masculines, c'est-à-dire que ce sont en fait des femmes qui exercent des responsabilités qui sont le plus souvent attribuées aux hommes. Et puis, il y a son antagonisme en quelque sorte, constitué par les trajectoires féminines, hein, donc des trajectoires politiques qui se caractérisent par l'accession à des responsabilités qui sont des responsabilités les plus souvent confiées aux femmes. Et puis entre les deux, je verrai en fonction du temps si j'ai le temps de les aborder, entre les deux on retrouve hein, des trajectoires plus mixtes avec effectivement des femmes qui vont avoir des parcours soit qui vont de la féminisation à la masculinisation, donc elles se masculinisent en fait au cours de leur mandat, en accédant dans un premier temps à des responsabilités féminines, et puis ensuite qui réussissent à s'en émanciper en quelque sorte. Et puis, autre trajectoire mixte aussi, c'est celle que je qualifie des trajectoires accidentées. Trajectoires accidentées, donc c'est des trajectoires dans lesquelles il n'est pas possible en fait d'identifier une réelle tendance, car ces trajectoires se caractérisent par une alternance en fait de positions soit masculines, soit féminines. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. D'accord. Bon, alors je vais présenter rapidement les caractéristiques de ces trajectoires. Donc, je vais me concentrer sur les deux principales, hein, celle masculine et puis celle féminine, pour bien voir en fait les logiques qui président à chacune de ces trajectoires. Alors, du côté des trajectoires masculines, alors oui, remarque méthodologique, donc j'ai travaillé à partir d'entretiens et j'ai réalisé en fait une vingtaine d'entretiens donc auprès de femmes élues, donc comme je disais, au parcours politique très diversifié. Certaines étaient élues depuis quelques années, enfin les élues les plus récentes l'ont été en 2008, et les plus anciennes ont été élues dans les années 70. Donc il y a vraiment une diversité comme ça du corpus à la base. Et donc, effectivement, sur ces 20 entretiens, les trajectoires masculines, ça représente à peu près 4 élus. Hein, donc c'est-à-dire que c'est une minorité des élus quand même. Et ce qui caractérise en fait ces trajectoires, c'est que ce sont des femmes qui sont rentrées en politique avant tout parce qu'elles sont des spécialistes d'un domaine de l'activité politique et qu'en plus, elles se sont maintenues aussi en politique parce que progressivement, elles ont en fait dégagé du temps, hein, elles ont eu une forme de disponibilité, notamment sur le plan professionnel, qui a fait qu'effectivement, elles ont pu investir aussi ces compétences particulières dans le domaine politique. Alors effectivement, ce sont des spécialistes, donc le plus souvent, leur spécialité, elle est issue de leur profession, non pas d'une forme de militantisme particulière, et des spécialistes, notamment dans des domaines très masculins. Par exemple, ce sont des femmes hein, qui sont contrôleuses de gestion. Enfin, c'est le cas d'une femme contrôleuse de gestion, diplômée d'une école de commerce, qui se retrouve en fait adjointe aux finances dans une municipalité. Donc là, il y a la mobilisation en fait d'une compétence professionnelle garantie par un niveau de qualification dans le domaine politique. Et ce sont des femmes aussi, je disais, disponibles parce que un certain nombre d'entre elles, sur ces quatre, trois notamment, se sont toutes trouvées à un moment donné obligées d'abandonner leur profession. Alors non pas pour exercer un mandat, hein, c'est plutôt que leur activité professionnelle, déjà l'une d'entre elles en fait n'était plus en activité lorsqu'elle a été élue. Une autre en fait s'est retrouvée au chômage au cours de son premier mandat. Et une dernière hein, se caractérise par un engagement professionnel qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, elle voulait être enseignante et elle a épousé un médecin généraliste, un médecin de campagne, ce qui l'a donc amenée en fait à devenir l'assistante du médecin de son mari, donc de son mari médecin. Et donc, c'est en quelque sorte, on voit que c'est des trajectoires professionnelles qui ne sont pas forcément, qui ne nécessitent pas, hein, qui n'ont pas un engagement aussi fort que contrairement aux élus féministes, dont je vous parlerai juste après. Au niveau militantisme, donc que ce soit associatif, syndical ou politique, ces femmes se caractérisent aussi par de faibles capitaux militants, ce qu'on pourrait appeler des capitaux militants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des militantes associatives. Quelques-unes, deux d'entre elles, notamment celles qui se positionnent plutôt à gauche dans sur l'échiquier politique, sont effectivement engagées dans un parti, mais c'est pas ça qui va faire qu'elles sont recrutées pour exercer des responsabilités particulières. Hein, l'appartenance militante favorise juste en fait la mise en contact avec les leaders pour la sélection sur des listes ou pour être candidate sur son propre nom. Alors, après être entrée en politique, après avoir exercé leur première responsabilité, ces femmes se caractérisent aussi par le fait que, effectivement, à la base, elles étaient des spécialistes sur un domaine particulier, et progressivement, au cours de leur carrière, elles vont vouloir en fait diversifier leurs compétences. Hein. Elles vont chercher à obtenir d'autres responsabilités que les finances, par exemple, à sortir de ces compétences premières pour pouvoir s'engager dans d'autres domaines. Et caractéristique, c'est que ces domaines restent encore des domaines masculins. Hein, elles vont pas, par exemple, elles se dirigent pas du côté de tout ce qui va être les affaires sociales. Elles restent dans des compétences masculines comme l'aménagement du territoire, le développement durable, les affaires étrangères, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et alors, à quoi est-ce que c'est dû cette trajectoire? Bah, il y a deux aspects hein, en quelque sorte qui viennent expliquer ce positionnement au fil de la carrière. Il y a d'une part le fait que, effectivement, quand on les interroge en entretien, elles expliquent refuser, elles condamnent hein, en fait les responsabilités féminines, hein, en disant par exemple, il y a une élue qui dit ben non, les affaires sociales, moi je ne veux pas y aller, de toute façon, c'est là où on met tout le temps les femmes, donc ça ne m'intéresse pas. Donc il y en a effectivement qui condamnent hein, comme ça a priori les délégations féminines et qui utilisent cette grille de lecture genrée en quelque sorte des activités politiques pour s'en protéger, pour se protéger des domaines féminins. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette grille de lecture en quelque sorte du monde politique, qui ne manifestent pas une conscience en fait des inégalités de genre en politique et qui expliquent s'être protégée en fait de ses responsabilités féminines parce qu'en fait elles avaient déjà à la base des responsabilités féminines dans le domaine civil. Hein. Par exemple, au niveau professionnel, elles exerçaient des emplois dans des secteurs d'activité typiquement féminins, par exemple l'enseignement. Et donc, elles ont décidé, c'est le principe, c'est le refus en fait d'être juge et partie. Elles disent, voilà, on peut pas être à la fois engagé professionnellement pour une cause et en même temps, on ne peut pas être engagé politiquement pour cette même cause. Et donc, c'est ça qui explique qu'elles ont cherché à se diversifier, mais sans retomber dans ces domaines féminins. Et puis, donc ça, c'est pour l'aspect compétences civiles, en quelque sorte. Et du côté politique aussi, ce qui va leur permettre d'échapper aux délégations féminines, c'est les alliances qu'elles ont pu créer avec les leaders politiques des assemblées élues. Donc, de ce point de vue, il y a la trajectoire d'une élue qui est particulièrement emblématique du rôle de ces alliances. C'est le cas d'une femme qui est donc adjointe dans une commune de Bourgogne. Donc, elle est première adjointe en fait d'une commune bourguignonne qui a la caractéristique en fait d'être la seule commune de grande taille, donc la seule commune de plus de 30 000 habitants en Bourgogne qui est détenue par la droite. Et donc elle est première adjointe. Le maire il est également sénateur. Et dans le cadre des élections régionales, donc c'est son bras droit en fait à la municipalité. Hein, elle le dit. C'est elle qui s'occupe de la gestion de la municipalité quand le sénateur est absent. C'est elle qui s'occupe du quotidien, en quelque sorte, de la municipalité. Et pour les élections régionales de 2010, c'est cette position, en fait, d'allié, en quelque sorte, de bras droit du sénateur, plus le fait d'être dans la seule ville du département de droite, hein, la seule grande ville du département de droite, c'est ça qui a fait qu'elle a pu être sélectionnée sur la liste, parce qu'elle n'a pas forcément de compétences partisane particulière. Elle est effectivement engagée du côté du nouveau centre, mais elle n'exerce pas une responsabilité partisane spécifique. Donc c'est cette position particulière-là, en fait, qui lui a permis d'être sélectionnée sur la liste. Et alors ça, elle l'aborde pas en entretien, mais on peut en déduire logiquement aussi que c'est ça qui lui a permis à la région d'accéder en fait à une commission qui reste une commission très majoritairement attribuée aux hommes, plutôt que de se retrouver dans des commissions largement féminisées. Elle est notamment à la commission de l'aménagement du territoire. Oui, voilà, c'est elle qui est à la commission de l'aménagement du territoire, alors que d'autres élus, d'autres femmes de la même liste, se sont retrouvées dans des domaines un peu plus féminins, comme l'économie sociale et solidaire ou ce genre de commission-là. Alors, donc après, on pourrait ajouter, effectivement, les variantes aussi de ces trajectoires masculines avec des femmes qui vont effectivement, j'évoque cette deuxième trajectoire aussi parce qu'elle me semble intéressante, c'est une trajectoire de la masculinisation où là, cette fois-ci, donc ce sont des femmes qui vont réussir, notamment dans le cadre des départements, des élections dans les conseils généraux, elles vont réussir, en fait, elles vont d'abord rentrer dans le conseil général en étant en charge de commissions féminines. À des positions même très subalternes dans ces assemblées, elles n'ont pas de mission particulière, elles n'ont pas de rôle particulier, et qui progressivement en fait vont réussir à s'émanciper de ces commissions-là pour accéder aux commissions les plus masculines, celles qui sont la chasse gardée en quelque sorte des hommes dans les assemblées élues. Donc ces femmes, elles y parviennent notamment, là c'est une filière d'accession sans doute un peu spécifique parce qu'on se situe sur des territoires très ruraux. Et ce qui va permettre en fait à ces femmes d'accéder à ces commissions masculines, c'est pas leur capacité à s'allier en fait avec les leaders de l'opposition. De ce point de vue, dans ces trajectoires-là, ça ne semble pas trop influencer. Ce qui semble le plus influencer leur carrière, du point de vue des responsabilités exécutives, c'est surtout leur capacité à se constituer en fait une notoriété locale. Très souvent, donc ça concerne trois femmes. Bon, je parle de fréquence, mais bon, c'est pas très très pertinent. Mais sur ces trois élus, en fait, ont pour caractéristique à chaque fois d'avoir réussi en fait à accéder à des positions masculines en se constituant un capital de notoriété et en accédant notamment à des mandats locaux, par exemple, en étant maire de la plus grande commune du canton. Donc la plus grande commune du canton, pour ces cantons ruraux, ça représente 800 habitants à peu près. Donc, en étant maire de ces communes et de cette commune, et puis en même temps aussi en accédant à des positions de présidence d'intercommunalité, Très souvent, là aussi, le territoire de l'intercommunalité recoupe le territoire du canton, donc ce qui fait que ça leur permet de renforcer leur capital de notoriété. Et c'est l'accession à ces mandats hein, qui leur permet de s'émanciper progressivement. C'est ce qui fait qu'elles vont être légitimes après pour revendiquer d'autres compétences que les premières compétences qu'elles ont pu avoir. Donc là aussi, ces femmes-là sont dans une logique de polyvalence, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elles recherchent. Elle ne cherche pas en fait à avoir juste un type de compétences en politique. Elle ne cherche pas à se spécialiser, elle cherche vraiment à être compétente sur tous les domaines d'activité politique, aussi bien sur les affaires sociales que sur les transports ou sur différents domaines. Et de ce point de vue, elle semble particulièrement sensibilisée en fait à cette recherche de polyvalence, notamment grâce à leur mandat dans les municipalités. Parce qu'elles expliquent que justement, être maire d'une commune et a fortiori d'une petite commune, bah, ça les force à être polyvalentes, à pouvoir prendre en charge tout un tas de domaines très différents qui touchent à l'activité politique. Et donc, la troisième trajectoire, bon, j'ai pas le temps de vous présenter les trajectoires accidentées, mais on peut y revenir si vous le souhaitez dans la discussion. La troisième trajectoire, donc, c'est celle des trajectoires féminines. Alors là, ça concerne le plus grand nombre des élus, puisque c'est 10 élus en fait sur les 20 que j'ai pu interroger. Et ces caractéristiques en fait des femmes, alors qui ont effectivement tendance à être élues de manière un peu plus récente que les autres. Hein, typiquement, c'est des femmes qui ont été élues autour des années 2000, donc ça fait une dizaine d'années par exemple qu'elles exercent des mandats. Principalement des mandats à la région ou encore dans les conseils municipaux. Conseils municipaux hein, dans lesquels l'obligation de parité intervient. Et donc ces femmes exercent, donc elles en sont à leur deuxième, voire parfois leur troisième mandat, et elles ont pour caractéristique d'avoir exercé tout le temps au cours de ces mandats des responsabilités féminines dans des domaines comme la santé, les affaires sociales ou ce genre de compétences qu'on attribue très souvent aux femmes. Alors, elles ont pour caractéristique d'être des militantes. Hein. Ce sont des militantes notamment issues du milieu associatif. Sur les 10, par exemple, il y en a 7 qui sont engagées dans des associations au moment de leur candidature. Et elles sont engagées à un haut niveau parce que certaines sont présidentes hein, d'associations locales, régionales. Il y en a même qui sont aussi engagés dans des associations nationales, notamment en matière de santé, et qui exercent des responsabilités dans ces associations. Par contre, elles sont pas vraiment des militantes dans les partis politiques. Par exemple, il y en a seulement 4 sur ces 10 qui appartiennent à un parti au moment de leur entrée en politique. Alors progressivement, c'est vrai qu'au fil des mandats, elles vont devenir membres de ces partis politiques, mais c'est vraiment pas leur priorité. L'adhésion au parti, en fait, elle est vécue comme un juste retour, en fait, parce que justement, il y a des leaders qui les ont sollicités. Et donc, bah, appartenir au parti du leader qui les a sollicités, c'est en quelque sorte un juste retour pour la possibilité qui leur a été faite de devenir élu à un moment donné. Autre caractéristique de ces élus, c'est que elles sont recrutées pour incarner d'une certaine manière, en vertu en fait de leur capacité justement à représenter la société. Hein, c'est un peu l'idée d'une représentation miroir. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont en politique, soit parce que ce sont des femmes, notamment parce que dans le cadre d'élections paritaires, eh bien, il fallait des femmes, et donc effectivement, elles ont été sollicitées pour être élues, être sur la liste. Soit parce qu'au contraire, hein, elles sont jeunes, hein, ça aussi le fait d'être jeune, donc ça intervient, et c'est des femmes qu'on va retrouver dans ces trajectoires-là. Soit encore pour leur engagement militant, hein, donc parce que justement, elles ont été engagées par exemple dans des associations de parents d'élèves, ou encore, hein, comme je disais tout à l'heure, dans des associations liées à la santé, et donc pour cette raison, elles sont sollicitées pour être présentes sur des listes. Au niveau de leurs caractéristiques concernant leur profession. Là, on retrouve en fait des trajectoires professionnelles bien différentes des autres élus. C'est-à-dire qu'effectivement, ces femmes, au cours de l'exercice de leur mandat, continuent d'exercer leur activité professionnelle. Et leur activité professionnelle, c'est quelque chose qui est très important pour elles. C'est quelque chose qu'elle valorise beaucoup. Et il n'y a pas de désengagement professionnel en quelque sorte au fur et à mesure qu'elles exercent des mandats. Et même si elles ont par exemple deux mandats, alors par exemple il y a une élue qui est conseillère municipale dans une grande commune, 150 000 habitants, qui est également vice-présidente du conseil régional de Bourgogne, et malgré ces mandats qui sont quand même des mandats assez chronophages, elle continue d'exercer sa profession. Alors c'est vrai qu'elle a réduit l'activité de son temps de travail. Mais pour autant, elle continue encore d'exercer sa profession et elle tient absolument à conserver cette profession. Et d'ailleurs, le fait de conserver la profession, c'est quelque chose qu'elle revendique parce que pour elle, c'est un moyen aussi de représenter cette société civile en disant, bah voilà, moi j'ai encore une profession, je suis encore en lien en quelque sorte avec la société civile. Et c'est un moyen de s'opposer à la figure de l'élu un peu coupé du reste de la société parce qu'il n'a plus de profession ou ce genre de choses. Alors, pour en venir un peu plus particulièement à leur spécialité politique, justement, aux activités politiques qu'elles prennent en charge, donc le plus souvent, effectivement, c'est des responsabilités qu'elles ne choisissent pas dans un premier temps. Elles se retrouvent dans des domaines féminins, mais sans l'avoir choisi pour la majorité d'entre elles. Et si elles ne peuvent pas le choisir, c'est parce que, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, eh bien, elles ont des ressources partisanes à la base, des contacts et des possibilités de faire poids en quelque sorte dans les négociations avec les leaders qui sont limitées parce qu'elles ne s'investissent pas dans des organismes, dans des collectifs partisans. Et c'est ce qui se voit, c'est-à-dire qu'effectivement, celles qui ont la possibilité de choisir à un moment donné leur responsabilité politique, c'est celles en fait qui avaient à la base le plus de capitaux partisans, ou alors c'est celles qui avaient aussi les plus hautes responsabilités dans des domaines associatifs. Et au fur et à mesure, effectivement, du mandat, elles entrent dans les partis politiques. Il y en a même qui exercent des responsabilités départementales, régionales. Il y en a même une aussi qui a des responsabilités nationales au Parti socialiste, notamment. Et malgré l'acquisition... Alors, le fait qu'elles aient ces capitaux-là, ça leur permet d'avoir plus de poids dans les négociations. Hein. Le fait aussi qu'elles soient sortantes, ça leur permet au moment du renouvellement de l'Assemblée de pouvoir éventuellement demander un autre domaine de compétences que le premier qui leur a été attribué. Et ce qu'on remarque, c'est que, non, en fait, hein, lors du renouvellement, elles demandent à conserver le même domaine, un domaine sensiblement identique à celui qu'elles avaient déjà lors du précédent mandat. Alors, c'est une logique donc de spécialisation. Elles choisissent, plutôt que de diversifier en fait dans une même assemblée leurs compétences, elles choisissent de développer la même compétence sur plusieurs mandats, par exemple en ayant la charge de la santé à la municipalité et en ayant aussi la charge de la santé à la région. Bon. Donc elles cherchent comme ça une transversalité en fait au niveau de leurs compétences politiques. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? J'émettrai peut-être trois éléments pour expliquer cette situation et puis j'en terminerai sur ces trois éléments. On peut l'expliquer de mon point de vue. D'abord, comme je disais tout à l'heure, hein, cette volonté de coller en quelque sorte à l'image de l'élu de la société civile, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, à travers leur engagement politique, c'est davantage un engagement pour développer une cause en politique. Par exemple, hein, l'élu de la santé, elle est un peu l'élu en charge de la santé dans la municipalité et à la région, elle est assez emblématique de cette trajectoire. C'est-à-dire qu'effectivement, elle s'engage en politique pour faire valoir, en fait, développer la prévention en matière de santé. Alors, elle est experte, en plus, hein, au niveau professionnel, elle est experte en santé publique. Et donc, elle, son engagement politique, elle l'explique avant tout comme un engagement pour faire valoir la cause de la santé, le développement de la prévention dans le milieu politique pour encourager ces actions-là. Bon. Donc de ce point de vue, effectivement, hein, l'engagement, là, il est plus, l'engagement politique, c'est plus un moyen en fait de renforcer l'engagement professionnel, voire l'engagement associatif, plutôt que, contrairement aux autres élus, une logique, en fait, une volonté de se spécialiser, de développer ses compétences politiques. Hein. Je ne suis peut-être pas très claire, mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que elles sont là plus pour faire valoir leurs compétences associatives dans le milieu politique, développer leurs compétences associatives grâce aux politiques, plutôt que pour se développer en tant qu'élu, développer une carrière en tant qu'élu. Donc ça, c'est un premier moyen d'expliquer le poids en fait qu'elles donnent à leur engagement politique. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, aussi le fait qu'elles adhèrent, par exemple, elles n'adhèrent pas à un parti politique au moment de leur entrée, le fait qu'elles adhèrent plus pour par la suite, par nécessité, pour être reconnaissantes envers les leaders, ça témoigne aussi de cette moindre sensibilisation à la cause politique qui est caractéristique de ces trajectoires-là. Donc volonté effectivement de coller à cette image de l'élu de la société civile, pas des élus en quelque sorte coupés du reste de la société, des élus qui sont avant tout là pour faire valoir des domaines de la société civile. D'ailleurs, hein, elle dénonce pas. Hein, oui, non, non. Donc c'est là, voilà, c'est le premier, c'est ce facteur-là effectivement. Donc dépend des s'investir au nom des compétences civiles, développer des compétences civiles. Et puis, autre facteur aussi, c'est, enfin, autre facteur explicatif, c'est aussi la position qu'elles détiennent dans le champ politique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est des élus qui sont engagés depuis des périodes un peu plus récentes que les autres. Et donc, de ce point de vue, même si effectivement elles ont commencé à accumuler un certain nombre de mandats, on peut se demander si finalement, elles ne seraient pas encore dans une position liminaire par le fait aussi qu'elles entretiennent, qu'elles continuent d'entretenir en fait des liens très forts avec le monde associatif, voire leur profession. Et donc, en raison de cette position liminaire, est-ce que finalement, ces élus hein, aussi ne chercheraient pas, à travers cette position liminaire, en fait, à se protéger d'un éventuel échec politique hein. On peut se demander que, comme c'est des carrières qui sont beaucoup plus récentes que les autres, peut-être en plus c'est des carrières qui s'exercent au scrutin de liste, donc il n'y a pas de notabilité locale hein, qui intervient. Scrutin de liste, c'est une alliance, c'est ce qu'on voit avec les trajectoires accidentées, c'est-à-dire que les alliances avec les leaders peuvent être plus ou moins fragiles. Donc leur position politique n'est pas forcément assurée. Et donc peut-être aussi hein, qu'elles cherchent à se spécialiser sur des domaines dont elles ont déjà dont elles maîtrisent bien le domaine, elles maîtrisent bien ce domaine en raison de leurs compétences professionnelles, voire associatives. Donc elles s'investissent dans ces domaines-là en politique pour un investissement à moindre coût, en quelque sorte. Hein, c'est pour éviter qu'en cas de perte de la position politique, pour se ménager hein, justement des voies de secours, pour faire en sorte de ne pas se couper du milieu associatif et en cas de perte en fait du mandat politique, pouvoir se reconvertir dans le militantisme associatif, pouvoir conserver sa profession ou ce genre de choses-là, si ça ne marche pas. Voilà, donc l'idée c'est ça, hein, c'est qu'elle s'investirait en fait dans des positions politiques pas forcément stables. Et donc pour se protéger hein, de ces investissements politiques, d'autant plus qu'à la base, elles n'avaient pas forcément la volonté aussi de s'investir, puisqu'elles n'étaient pas engagées dans des partis. Donc pour se protéger en fait contre un investissement qui leur serait trop coûteux, qui serait trop chronophage, qui leur demanderait trop de temps, elles conserveraient en fait leurs compétences premières, leurs compétences professionnelles, militantes, elles les réengageraient en fait en politique pour pouvoir justement hein, s'économiser la charge d'une polyvalence que d'autres élus hein, ont décidé de conserver, ont décidé de développer au contraire. C'est les deux facteurs principaux d'explication oui, voilà, que je voulais mettre en avant. Donc ce qui fait que finalement, en conclusion, on a deux logiques, deux stratégies perceptibles de la part de ces élus. D'une part, une logique de polyvalence quant au travail politique, avec des élus qui vont chercher en fait à diversifier au maximum leurs compétences politiques, qui vont se désengager progressivement de leur carrière professionnelle et qui vont réussir en fait à se maintenir dans des positions masculines grâce notamment à leur notabilité, à la possession d'une position rare en politique, par exemple l'élu qui est la seule élue d'une ville de droite, ou encore grâce à l'alliance particulière avec des leaders qui permet justement là aussi de se protéger des domaines les plus féminins. Et autre logique, c'est celle de la spécialisation, donc c'est celle qui semble être la plus répandue dans mon corpus en tout cas, avec des élus dont la place en politique donc serait beaucoup plus fragile que les précédentes, parce que plus récentes aussi, des élus qui s'engagent avant tout au nom de la société civile et qui réinvestissent donc leurs capitaux issus de leur position dans la société civile dans le milieu politique et qui continuent à développer leurs engagements civils, associatifs et professionnels tout en exerçant des mandats. Voilà. Merci.